Voici ensuite quatre poèmes extraits des Feuilles d'automne, recueil publié en 1831. Premier poème, Ce siècle avait 2 ans. Ce siècle avait 2 ans. Rome remplaçait Sparte. Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte. Et du premier consul, déjà, par maint endroit, le front de l'empereur brisait le masque étroit. Alors, dans Besançon, vieille ville espagnole, jetée comme la graine au gré de l'air qui vole, naquit d'un sang breton et lorrain à la fois, un enfant sans couleur, sans regard et sans voix. Si débile qu'il fût ainsi qu'une chimère, abandonné de tous, excepté de sa mère, et que son cou, ployé comme un frêle roseau, fit faire en même temps sa bière et son berceau. Cet enfant que la vie effaçait de son livre, et qui n'avait pas même un lendemain à vivre, c'est moi. Je vous dirai peut-être quelques jours quel lait pur, que de soins, que de vœux, que d'amour, prodigués pour ma vie, en naissant condamné, m'ont fait 2 fois l'enfant de ma mère obstinée, ange qui sur 3 fils, attachés à ses pas, épandait son amour et ne mesurait pas. Ô l'amour d'une mère, amour que nul n'oublie, pain merveilleux qu'un Dieu partage et multiplie, table toujours servie au paternel foyer, chacun en a sa part, et tous l'ont tout entier. Je pourrais dire un jour, lorsque la nuit douteuse fera parler les soirs ma vieillesse conteuse, comment ce haut destin de gloire et de terreur, qui remuait le monde au pas de l'empereur, dans son souffle orageux, m'emportant sans défense, à tous les vents de l'air, fit flotter mon enfance. Car, lorsque l'Aquilon bat ses flots palpitants, l'océan convulsif tourmente en même temps le navire à 3 ponts qui tonne avec l'orage et la feuille échappée aux arbres du rivage.